Sur clope et je rêve. Elle a su lire sur mes lèvres. J'étais le bois, toi la sève. Je te revois nu comme Ève. Elle me dit que je suis un Batman. Pour toi j'aurais fait un massacre. À quatre pattes quand on s'attrape. J'ai tout perdu comme au blackjack. Goddamn, j'ai le cœur à l'enfer. Elle a joué comme si j'étais en pierre. Dans la mélancolie, je m'enferme. Dans la mélancolie, hey. Goddamn, j'ai le cœur à l'enfer. J'ai eu ton corps, je te voulais entière. Je t'aurais suivi jusqu'en enfer. Je t'aurais suivi, suivi, hey. Quand elle danse, je suis high. Je veux connaître ses failles. Elle a le sexe en fire. Ferme les yeux, je suis high. Quand elle danse, je suis high. Je veux connaître ses failles. Elle a le sexe en fire. Ferme les yeux, je suis high. Goddamn, j'ai le cœur à l'enfer. Elle a joué comme si j'étais en pierre. Dans la mélancolie, je m'enferme. Dans la mélancolie, hey. Goddamn, j'ai le cœur à l'enfer. J'ai eu ton corps, je te voulais entière. Je t'aurais suivi jusqu'en enfer. Je t'aurais suivi, suivi, hey. Bye, bye, bye. Au réveil, n'en dis pas plus. Aïe, aïe, aïe. Elle m'a piqué comme un cactus. J'ai mal tellement. M'appelle pas, je fais le mort. T'étais comme tout le monde. Plus jamais je tends la main, hein. Goddamn, j'ai le cœur à l'enfer. Elle a joué comme si j'étais en pire.